sait qu'un jour, qui sait, peut-être un jour. Peut-être qu'un jour, qui sait, je lui rendrai visite. Oh Victoria, Victoria, qui est la reine à tous. Au sujet de Sir Jack, elle ne sait rien du tout. Qui sait qu'un jour, qui sait, peut-être un jour. Elle sait qu'un jour, qui sait, je lui rendrai visite. Victoria, Victoria, je lui montrerai mon couteau.